Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. On commence inshallah ta'ala la troisième édition du séminaire de la Yole du Savoie. Yarhamukallah. Et on continue bi'idillahi ta'ala à étudier les livres des ulama, les livres que les savants ont écrits afin que nous, plusieurs générations après, nous puissions avoir encore de la lumière, nous puissions avoir encore des éléments qui nous permettent de comprendre le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela vous a été annoncé, on va étudier donc en deux jours, bi'idnillah, le premier jour, quelques chapitres, deux chapitres liés à la purification tirés du livre Ar-Risala, Ar-Risala de l'imam Al-Qayrawani rahimahullah. Et ensuite, on verra demain, bi'idnillah, le sujet de Al-Isbal, le sujet d'Al-Isbal, bi'idnillah. Et donc, on commence, l'auteur, donc, l'imam Al-Qayrawani qui nous dit de le chapitre des causes qui rendent obligatoires les ablutions et la douche rituelle. Donc on avait déjà vu premièrement donc le premier chapitre du livre Ar-Risala, qui est un chapitre qui commence par là, qui concerne quel sujet, les frères? Le premier chapitre du livre Ar-Risala concerne quel sujet? Alors, les fondements de la religion, l'aqida, la croyance. Et donc, il a commencé son livre, l'imam Al-Qayrawani rahimahullah. Et le premier sujet qu'il a abordé, c'est la croyance, parce que c'est la base de l'islam. Tu peux faire autant de prières que tu veux. Si ta croyance est incorrecte, celle-ci peut te faire sortir de l'islam. Hein? Comme certaines personnes qui vont se fatiguer, ils vont faire des khourouj, ils vont faire ci, ils vont faire des salats, ils vont faire ci, pour au final te dire que Allah n'a pas de main, Allah n'est pas établi sur son trône, Allah n'a pas de visage. Ils vont rejeter ce qu'il y a dans le Coran. Ceci est de la mécréance, ça fait sortir de l'islam. Et donc, il a abordé le sujet de la croyance, premièrement, parce que c'est le plus important. Deuxièmement, là, il nous aborde le sujet concernant, il aborde avec nous le sujet concernant la purification. Le chapitre des causes qui rendent obligatoires les ablutions et la douche rituelle. Pourquoi est-ce qu'il aborde les ablutions? Pourquoi il aborde le sujet de la purification? Tout simplement, barakallahu fikoum. Parce que après la croyance, il faut savoir que le premier acte sur lequel on sera interrogé au jour de la résurrection, c'est la prière. Et parmi les conditions de la prière, il y a la purification. Il y a la purification. Et certes, les savants sont unanimes quant au caractère obligatoire de la purification. Et ceci, on peut le voir dans la sourate 5, sourate Al-Ma'ida, le verset 6. « Ya ayyuha alladhina amanu idha kuntum ila salati » فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَطَهَّرُوا. Et donc, ô vous qui avez cru, lorsque vous accomplissez la prière, alors, lorsque vous, donc, vous allez accomplir la prière, alors, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Puis, passez vos mains sur vos têtes. Et lavez vos pieds jusqu'au Ka'bayn. Jusqu'au Ka'bayn, l'os qui est apparent au niveau de la cheville ici. Wa in kuntum junuban. Et si vous êtes en état de janaba, qu'on verra plus tard, Inch'Allah, ce que c'est que la janaba, l'état d'impureté, c'est un état d'impureté majeur, alors purifiez-vous. Ce qui est voulu ici, c'est la purification, la douche rituelle. Et aussi, donc, on a dans Sahih al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La yakbelullahu salata man ahdatha hatta yatawadda » Allah n'accepte pas la prière de celui qui a rompu ses ablutions jusqu'à ce qu'il les fasse. Et donc il est obligatoire, ça c'est un sujet d'unanimité. Tu perds tes ablutions, pour pouvoir prier, il est obligatoire de les refaire. L'auteur va nous détailler ce sujet, il nous dit « Rahimahullah » Toute absence, toute substance qui sort d'un des deux orifices, tels que l'urine, les selles ou les gaz, rend obligatoire les ablutions. Et donc tout ce qui sort d'un des deux orifices, urine, sel, gaz, rend obligatoire les ablutions. Ça, c'est un sujet d'unanimité. C'est un sujet d'unanimité. Donc, si un jour une personne vient vous voir, ouais, mais peut-être qu'il y a divergence, c'est bon, c'est pas grave, Maalich. Non, c'est un sujet d'unanimité, il n'y a pas de divergence. Urine, sel, gaz, il t'est obligatoire de faire tes ablutions. Et Tirmidhi, il rapporte dans son Jami, d'après Sofwan ibn Asir, radiallahu anhu, qui dit Kunna. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. Et donc Safwan ibn Asal nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous ordonnait lorsqu'on était en voyage de ne pas retirer nos khifaf. C'est quoi khifaf? Presque. C'est le pluriel de khouf. El khouf est donc des chaussettes épaisses en cuir. D'accord? Et donc, il nous ordonnait de ne pas retirer nos khouf durant 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est lorsqu'on est en voyage. Pour faire quoi? Lorsqu'on veut se purifier à cause de l'urine, les selles ou du fait d'avoir dormi. Mais par contre, on devait les retirer pour El Janab. Et donc, il nous demandait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas retirer nos choses, nos croufs, durant le voyage, lorsqu'on devait se purifier à cause des selles, de l'urine et du fait d'avoir dormi. Mais par contre, on devait les retirer par rapport à la Janab. Et donc, on voit dans ce hadith la preuve qu'il est obligatoire de refaire ses ablutions lorsque on a, donc, à cause des selles et de l'urine, concernant le fait de dormir, c'est un sujet de divergence. On va le voir tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Al-Bukhari et Muslim, toujours, dans Sahihain, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant l'homme qui ressent quelque chose dans son ventre durant la prière. Sans qu'il y ait un gaz. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cet homme ne quitte la prière que lorsque il a senti une odeur ou entendu un son. Ce qui est voulu par là, c'est le gaz. Et donc, comme on dit, c'est la certitude que là, que cet homme a eu un gaz. Donc tu ne quittes ta prière que lorsque tu as la certitude que tu as perdu tes ablutions. Et donc ici, ça c'est une preuve encore qui montre que le fait d'avoir un gaz rompt les ablutions. Il continue l'auteur, rahimahullah, et il nous dit, ou alors, donc tout à l'heure, il a cité des causes qui rendent obligatoires les ablutions. Il continue, ou alors le liquide préséminal qui sort du pénis. Il faut alors entièrement laver le pénis. C'est un liquide blanc et fin qui sort au moment d'une jouissance liée à une érection induite par des jeux ou pensées amoureuses. Et donc ici, lorsqu'on parle de jouissance, je ne parle pas d'éjaculation, je parle de plaisir. Le fait de ressentir une forme de plaisir. Et ça encore, vous pouvez noter, c'est un sujet d'unanimité. Les savants sont unanimes. Donc pour l'instant, on n'a vu que des sujets d'unanimité. On a vu l'urine, gaz, sel, et maintenant ce qu'on appelle en arabe, comment ça s'appelle en arabe le liquide préséminal? El-Medhi. El-Medhi. D'accord? Alif, Lam, Mim, Vel, Ya. Et donc ce liquide annule les ablutions, et ceci avec unanimité des savants. El-Bukhari et Muslim. Il rapporte dans leur recueil As-Sahihain que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a dit Kuntu rajulan madha'an. J'étais un homme qui avait beaucoup de liquide préséminal. Fa amartu al-Miqdad an yas'ala Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai donc ordonné à Al-Miqdad, je lui ai demandé d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, on voit déjà, barakallahu fikoum, l'importance de demander quand on ne connaît pas. Tu ne restes pas comme ça dans l'ignorance. Mais tu demandes. Après, tu vas me dire, mais c'est gênant. C'est gênant. Je vais vous sortir la parole de Aïcha radhiyallahu anha, rahimallahu nisa al-ansar, qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des ansar. Lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fi din. La pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre la religion. Et donc, ça peut être gênant, mais il faut que tu apprennes ta religion. Ali radhiyallahu anhu, dans une narration, il nous explique pourquoi il était gêné. Pourquoi il a demandé à al-Miqdad. Il dit, « À cause du fait que sa fille, c'était mon épouse. La fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'épouse de Ali. Et donc Ali, il est gêné d'aller parler de ce sujet-là. Donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a envoyé le Miqdad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fihi al-wudu. Et donc concernant ce sujet, il faut faire son ablution. Et donc ici l'auteur rahimahullah, regardez ce qu'il dit l'auteur les frères, c'est important. Il dit l'auteur, il faut entièrement laver le pénis. L'auteur nous dit qu'il faut entièrement laver le pénis. Ce qui est voulu ici, c'est tout le pénis. Comment ? C'est le gland et la verge. D'accord ? Et donc ici, les savants, ils ont divergé concernant ce sujet. Barakallahu fikoum. Certains savants, ils ont dit qu'il est obligatoire de laver tout le pénis. Et ceci est l'avis de El Malikiya, et donc c'est l'avis de l'école Malikite et de l'école Hanbalite. C'est l'avis de l'école Malikite et de l'école Hanbalite. Le fait qu'il faille laver tout le pénis à cause du liquide préséminal. On a l'école Hanifite, l'école Hanafite, excusez-moi. L'école Hanafite et l'école Shafi'ite, ils nous disent que la seule chose qui est obligatoire, c'est de laver donc l'endroit d'où sort le liquide. L'endroit d'où sort le liquide ou l'endroit qui a été touché par le liquide. Voilà ce qui est obligatoire de laver. Pourquoi ? Parce que c'est ça la base dans l'impureté. C'est de laver la partie de l'impureté qui a été souillée. Si toi, tu vas être souillé par un enfant qui a uriné sur ta main, tu ne vas pas laver tout ton corps. Tu vas laver juste la partie de ta main qui a été souillée. Et donc, ils nous disent, on lave juste la part. Il n'y a pas besoin de laver tout le pénis. Taïb, la vie la plus juste, barakallahu fikoum, c'est qu'il faut tout laver. Pourquoi ? Parce qu'il y a une narration du même hadith. Une narration donc du même hadith de Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dans laquelle cette narration, elle est toujours dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yarsil dhakarahu wa yatawadda. Il lave son pénis et il fait ses ablutions. Et donc ici, il lave son pénis, il lave le pénis entièrement. Entièrement. Voyez ? Et donc, l'avis le plus juste dans ce sujet, et c'est l'avis le plus sûr aussi, c'est que nous devons tout nettoyer. Voyez, on continue, inshallah ta'ala. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, en ce qui concerne el-wadiyu, c'est un liquide blanc et épais qui sort après l'urine. Nous avons à la sortie de ce liquide les mêmes obligations que nous avons à la sortie de l'urine. Et donc ici, barakallahu fikoum, on a deux liquides qui se ressemblent. On a un liquide qui s'appelle El-Madi et l'autre liquide qui s'appelle El-Wadiou. Les deux liquides se ressemblent, sauf qu'il y en a un qui va être lié à la jouissance, aux pensées. Hein? L'homme qui va penser à son épouse, etc., etc. Les jouissances, la pensée, ça c'est un liquide qui ne va pas sortir quand il y a l'urine forcément. Il peut sortir même quand il n'y a pas d'urine. D'accord ? Et ensuite, on va avoir un autre liquide qui, lui, sort après l'urine. il sort après l'urine. L'auteur, il nous dit, rahimahullah, donc concernant l'urine, concernant el-wadiou, il nous est obligatoire de faire ce qui est obligatoire concernant l'urine. Ça veut dire que là, on n'a pas l'obligation de nettoyer tout le pénis. Là, on nettoie que la partie qui a été souillée. Concernant el-wadiou, donc c'est le liquide qui sort après l'urine, on nettoie que ce qui a été souillé. Et les savants sont unanimes quant au fait que ce produit, que ce liquide-là, la sortie de ce liquide rend, il va rompre les ablutions, excusez-moi. La sortie de ce liquide rompt les ablutions. Il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit, quant au liquide séminal, le liquide séminal, c'est-à-dire le liquide spermatique, il nous explique, c'est le liquide qui jaillit et dont la sortie est liée à la grande jouissance lors du rapport intime. Son odeur est semblable à l'odeur du pollen des palmiers. Le liquide de la femme est un liquide fin et jaune. Il est obligatoire de se purifier à partir de là, et il est alors obligatoire de purifier tout le corps comme il est obligatoire de le faire après les menstrues. Et donc là maintenant, on va voir le sujet du liquide spermatique et ce sujet qui concerne donc les hommes et les femmes. Il n'y a pas de divergence entre les savants concernant le fait qu'il est obligatoire à l'homme et à la femme de se purifier à la sortie de ce liquide. Obligatoire. Al-Bukhari, il cite dans son Sahih que Umm Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ja'at Umm Sulaym imra'atu Abi Talha ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya Rasul Allah inna Allah la yastahyi min al-haqq fa hal 'ala al-mar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat. Et donc, Umm Salama, elle nous dit que Umm Sulaym est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle lui a dit: Ô messager d'Allah, certes Allah n'est pas gêné de la vérité. Et donc là, elle montre. C'est une question qui est gênante, mais on apprend notre religion. Et donc, certes Allah n'est pas gêné de la vérité. Est-ce que la femme, est-ce qu'il lui est obligatoire de faire un rousl si elle a eu un ihtilam, c'est-à-dire un rêve érotique. Et donc elle demande par rapport à ce sujet. Est-ce qu'elle doit faire le rousl? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Na'am idha ra'atil ma'. Oui, si elle voit le liquide. Et donc à partir de la sortie du liquide, il est obligatoire de faire le rousl. Tayyib, ici les savants, ils donnent une information qui est importante. C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit idha ra'atil ma'. Ce qui est voulu ici, c'est ra'et ou alimet. C'est si elle voit ou si elle est sûre. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas comme l'homme. L'homme, parfois, le liquide, l'homme, excusez-moi, dans la normalité, l'homme, le liquide se voit. Lorsque l'homme a une éjaculation, le liquide se voit. La femme, le liquide ne se voit pas forcément pour toutes les femmes. Pour certaines, ça va se voir, pour certaines, pas. Et donc là, la femme se base sur sa certitude par rapport à cette jouissance. D'accord? Par rapport à cette jouissance. Et à partir de là, il est obligatoire donc de faire le rousl. Question: est-ce que le liquide séminal est un liquide qui est pur ou impur? Abu Hanifa et Malik, rahimahumullah, ils voient que c'est un liquide qui est impur. Ils voient que c'est un liquide qui est impur. La preuve, c'est le hadith de Aisha, radiallahu anhuma, dans Sahihain, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lavait le liquide séminal, puis il sortait pour accomplir la prière. Il sortait pour accomplir la prière. Et Aïcha qui dit wa ana anzuru ila athari al-ghasl fihi, et je voyais les traces du lavage sur son vêtement. Et donc elle nous assure qu'il l'a lavé. J'ai vu les traces du lavage sur son vêtement. Ils nous disent si c'était un liquide qui n'était pas impur, si c'est un liquide qui était pur, le prophète ne l'aurait pas lavé pour aller faire la prière. Et donc ça, c'est l'avis de El-Malikiya ainsi que de El-Ahnef pour dire que c'est un liquide qui est impur. Et quand il faut le laver, ça fait des abus sur le dessus. Oui, il fait la douche. Et donc, faire la douche, c'est quelque chose. Mais maintenant, le vêtement qui a été souillé, le vêtement sur lequel il va y avoir donc un liquide, du liquide pré-séminal, ou le liquide séminal, du moins, excuse-moi. Et donc, il y a du liquide séminal sur le vêtement. Le prophète, il le lavait avant d'aller à la prière. D'accord? Il le lavait, mais pas changé. Non, il le lave. Ok, ok, ok. Nous, aujourd'hui, on a pris les habitudes. De la salive va sur ton vêtement, tu changes le vêtement. On a pris les mauvaises habitudes. D'accord? Et donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lavait son vêtement avant d'aller à la prière. Mais ce qui est voulu, c'est là où elle a dit qu'Aïcha a vu les sur la partie. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas le vêtement entièrement. Non, non. Voilà, non, non. D'accord. La partie qui a été touchée. Tayyib, Ahmed el-Shafiri, il voit que non. C'est un liquide qui n'est pas impur. C'est un liquide qui est pur. C'est un liquide qui est pur. Quelle est la preuve? Ils ont dit que le même hadith de Aïcha radhiyallahu anha, il prouve que c'est un liquide qui est pur. Pourquoi? Parce que dans le même hadith de Aïcha, elle nous dit aussi que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le grattait. Il grattait le liquide séminal. Il ne le lavait pas, mais il le grattait. Pour ne pas laisser de traces sur le vêtement. Alors il le gratte. Ils nous disent, si c'est quelque chose qui est sale, une impureté, on ne se suffit pas du grattage. Une impureté, on la lave. Et donc ça, c'est une preuve que le liquide séminal n'est pas un liquide qui est impur, contrairement à l'urine. S'il y a de l'urine qui vient sur le vêtement, il faut laver le vêtement. Là, le liquide pré-séminal, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait donc de le gratter. Parfois, il lavait, parfois, il grattait. Et donc il se base sur cette preuve là et il se base aussi sur quoi? Sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que l'homme a été créé à partir de ce liquide. L'homme a été créé à partir de ce liquide. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit laqad karramna bani adam. Certes, nous avons favorisé les descendants de Adam. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala favorise les descendants de Adam en les créant à partir d'une impureté? La meilleure des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, créé à partir d'une impureté? Ils disent non. Et donc l'avis le plus juste, c'est que le liquide séminal n'est pas impur. Donc si ton vêtement est touché par de l'urine, tu dois laver ton vêtement. Ton vêtement est touché par du liquide séminal, il n'était pas obligatoire de le laver puisque le prophète ne l'a pas lavé tout le temps. Il n'était pas obligatoire de le laver. Si tu veux le laver, faire disparaître que cette trace afin que les gens ne soient pas au courant de ce que tu as fait, tu le fais. Mais par contre, de là à dire que le liquide est impur et que ta salade et que ta prière n'est pas valable, ça, c'est une erreur. Donc la vie la plus juste, inshallah ta'ala, c'est que le liquide séminal est un liquide qui est donc, pur. Naam? J'avais mal compris. Je pensais que quand tu parlais de pur, ça veut dire que. Je parlais plus des habits sur le mais je n'avais pas compris que c'est sur les vêtements. Voilà, c'est sur les vêtements. Voilà, c'est sur les vêtements. Naam. Wafika barakallah. Mashallah, mashallah. On continue. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, concernant le sang des métroragies. Celui-ci rend obligatoire les ablutions. Il est recommandé à la femme touchée par cela, ainsi qu'à celui ou celle qui est touchée par l'incontinence urinaire, de faire leurs ablutions pour chaque prière. Al-Bukhari, rahimahullah. Al-Bukhari rahimahullah, elle nous rapporte dans son sahih que Aïcha radhiyallahu anha, elle dit: J'ai Fatima bint Abi Hubaysh إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة. Et donc Fatima bintu Abi Hubeish est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit: ô messager d'Allah, je suis une femme touchée de métrorragie et je n'ai pas de période de pureté. Ça veut dire que je suis tout le temps touchée de métrorragie. Est-ce que je dois délaisser la prière? Fait qu'on la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la innama dhalika irkun wa laysa bihaydin. Non, ceci est une veine. C'est une veine, c'est-à-dire ici, c'est une maladie. Parce que les menstrues ne sont pas considérées comme étant une maladie. C'est pour ça que les savants ils nous disent que la base chez tout sang qui sort de la femme, c'est que c'est le sang des menstrues, sauf preuve du contraire. Puisque la base, c'est qu'elle est en bonne santé. La base, c'est qu'elle est en bonne santé. Et donc, si elle est en bonne santé, le sang qui sort, normalement, c'est le sang des menstrues. Elle n'est pas en bonne santé, on passe à l'étape supérieure. D'accord? Et donc, il dit ici, donc ceci, ce ne sont pas le sang des menstrues, ce n'est pas les menstrues, mais ceci est une veine. Donc, c'est un problème qui touche cette femme. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِ الصَّلَاةِ. Lorsque tes menstrues viennent, délaisse la prière. Comment ça, lorsque tes menstrues viennent? Cette femme, elle saigne tout le temps. Comment ça? Qu'est-ce qui est voulu par là? C'est une femme qui saigne tout le temps. Le prophète, il lui dit, lorsque tes menstrues viennent, arrête la prière. Qu'est-ce qui est voulu par là, les frères? Les frères, ne me dites pas que ce sujet ne vous concerne pas. Je vous dis tout de suite, vous êtes concernés. Vous êtes concernés. Vous êtes mariés, vous êtes concernés. C'est un sujet qui concerne le sujet des menstrues, métrorragie, lochi, c'est un sujet dont on a besoin pour le mariage, pour le divorce, pour l'héritage, pour les rapports. On a besoin de connaître ce sujet-là, nous les hommes. Alors, qu'est-ce qui est voulu ici, les frères? Pendant les menstrues, elles ne font pas la prière. Et donc, c'est-à-dire, comment ça pendant les menstrues? Mais elles saignent tout le temps, cette femme. Le sang est différent. Ah, attendez. Et donc ici, barakallahu fikoum, ici, on a deux choses qu'on doit prendre en compte. Lorsque la femme est touchée de métrorragie, elle doit savoir quand elle a ses menstrues ou pas. Elle se base soit sur la période, parce que c'est une femme qui avait tout le temps ses menstrues au même moment. Elle sait qu'elle a tout le temps ses menstrues à partir du 15 jours avant, ou du moins à partir du 5, à peu près. C'est toujours à peu près à partir du 5e jour en début du mois. Et ça dure à chaque fois 7 jours. Tout le temps comme ça. Et donc, elle connaît sa période. Elle se base sur cette période. Ou alors, elle se base sur le fait qu'elle voit que le sang est différent. Pourquoi? Parce que le sang des menstrues n'est pas comme le sang des métrorragies. Le sang de métrorragie, c'est le sang de la femme qui coule. C'est du sang normal. Le sang des menstrues, c'est un sang qui a une couleur différente et qui a une odeur différente. Il a une couleur et une odeur différentes. Et donc, à partir du moment où la femme, elle reconnaît la différence au niveau de la couleur ou de l'odeur du sang, et qu'elle sait que c'est le sang de ses menstrues, là, elle arrête la prière. Si elle n'arrive pas à faire la différence par rapport à l'aspect du sang, et qu'elle a une période donnée, elle a une période, une habitude qu'elle avait déjà, elle se base sur son habitude. D'accord? Et donc, première chose, elle se base sur la distinction du sang. Elle voit clairement que ce sang-là n'est pas comme l'autre. Si elle n'a pas cette distinction du sang, elle se base sur son habitude qu'elle avait avant, si elle en avait une. Troisième cas, elle n'a pas d'habitude. Elle fait quoi? Elle n'arrive pas à distinguer le sang 6 jours ou 7 jours. 6 jours ou 7 jours, elle arrête de prier pendant 6 ou 7 jours et Et après ça, elle prie. Et cet avis, bismillah ta'ala, c'est le plus juste. Elle se base sur cela, 6 ou 7 jours. Certains savants, ils ont dit que la femme qui est touchée de métrorragie, durant les jours de prière, donc les jours qui ne sont pas ses jours de menstrue, elle va devoir faire son roussle pour chaque prière. Certains savants disent que cette femme va devoir faire son roussle pour chaque prière. Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed, eux, ils voient que cette femme-là, elle fait ses ablutions pour chaque prière, pas le roussle. Donc on a certains savants qui disent que la femme qui est touchée de métrorragie, elle fait la douche rituelle pour chaque prière. On a El Jumhur, la majorité des savants. Ils voient que la femme touchée de métrorragie, elle va faire ses ablutions pour chaque prière. Pourquoi ? Par rapport au fait que tout ce qui sort des parties va rompre les ablutions. La base dans tout ce qui sort des parties fait rompre les ablutions. Elle fait ses ablutions avant la prière et ensuite elle va prier. Elle va nous dire, oui, mais j'ai fait mes ablutions et après les ablutions, il y a encore du sang qui coule. On va lui dire, ne calcule pas le sang qui a coulé après tes ablutions, tu fais ta prière. Même si pendant la prière, ça coule. Puisque là, ici, c'est une maladie, tu ne peux pas contrôler. Ah, c'est une maladie, si tu parles de maladie. Les métrorragies, c'est une maladie. Okay, la femme, elle saigne tout le temps. D'accord. Elle saigne tout le temps. Okay. D'accord. Et donc, ici, barakallahu fikoum, la femme qui est touchée par cela, elle fait ses ablutions, donc selon cet avis. Elle fait ses ablutions, et ensuite, elle ne calcule pas ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y a encore du sang qui coule après les ablutions, elle ne prend pas compte de cela, elle fait sa prière. Elle fait sa prière. Mais par contre, elle doit faire ses ablutions pour chaque prière. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. L'avis de El Maliki, l'école malikite, eux, ils voient, barakallahu fikoum, qu'elle n'a pas besoin de refaire ses ablutions. Elle n'a pas besoin de refaire ses ablutions. Ils disent pourquoi ? Parce que ce n'est pas un annulatif. Ce n'est pas un annulatif. Si elle n'a pas un autre annulatif que cela, il n'y a pas d'obligation de refaire les ablutions. Et la vie le plus sûr, et je dis bien le plus sûr, je ne dis pas le plus juste, barakallahu fikoum, c'est qu'elle refait ses ablutions avant chaque prière. La femme touchée de métrorragie refait ses ablutions avant chaque prière. L'avis de El Jumhur, la majorité des savants, Inch'Allah ta'ala. Tayyib, la dernière page. On va faire une dernière page encore, Inch'Allah. L'auteur qui nous dit, il est aussi obligatoire de faire ses ablutions après la perte de raison, causée par un sommeil profond, un évanouissement, l'ivresse ou la folie. Donc la personne qui s'est endormie, la personne qui s'est évanouie, la personne qui est ivre ou qui est touchée par la folie, lorsqu'elle reprend ses esprits, il lui est obligatoire de faire ses ablutions. Et donc les savants sont unanimes quant au fait que la perte de raison, quant au fait que la perte de raison par rapport à l'évanouissement, l'ivresse ou la folie annule les ablutions. Unanimité, la perte de raison liée à l'ivresse, la folie ou l'évanouissement font perdre les ablutions. La personne, dès qu'elle reprend ses esprits, elle fait ses ablutions. T'as une question ? Tayyib. Ils ont divergé concernant quel sujet ? Il reste quel sujet là ? Ils ont divergé concernant le fait de dormir. Est-ce que dormir, ça rompt les ablutions ou pas ? Oui. Certains des savants, Nam, alors, on va voir ça tout de suite, Inch'Allah ta'ala. Certains des savants, ils nous disent, barakallahu fikoum, que le fait de dormir rompt les ablutions. Pourquoi ? Il a été rapporté dans Jami al-Tirmidhi, d'après Safwan ibn Assel, toujours, comme on a vu tout à l'heure, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonnait, lorsque on était en voyage, de garder nos khouf, el-khifaf, pour refaire nos ablutions, due au sel, à l'urine et au fait de dormir. Sofwan ibn Asal, il a cité donc les sels, l'urine et le fait de dormir. Et donc le fait de dormir, ça annule les ablutions. Quel que soit sa forme. Comme ça. Ah oui, ça c'est un bon sujet. Donc que tu sois couché ou debout, ces savants-là, ils voient que tu as dormi, tu as perdu tes ablutions. C'est dormir. Tout simplement. On a d'autres savants qui, eux, n'ont pas le même avis. Ils n'ont pas le même avis. Et donc, ils voient que le fait de dormir n'annule pas les ablutions. Pourquoi ? Parce qu'il a été rapporté de certains compagnons avec des chaînes de transmission authentiques que ceux-ci, ils, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient la prière. « Kenu yantaziroun es-salat feyanamoun wa yusalloun wa la yatawadda'oun » Et donc, ils attendaient la prière. Et donc, ils dormaient, puis ils priaient et ne faisaient pas leurs ablutions. Ça, c'est à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a pas demandé de refaire leurs ablutions. Et donc, ils nous disent, si le fait de dormir annulait l'ablution, le prophète, il leur aurait demandé. Dans certaines narrations, il est cité, on entendait le ronflement de certains. Et donc, comme j'ai dit, il y a certains savants qui disent que le fait de dormir ne fait pas rompre les ablutions. Et certains savants, ils ont rassemblé entre toutes les preuves. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, il y a des preuves qui montrent que le fait de dormir rompt les ablutions. Et des preuves qui montrent que non, ça ne rompt pas les ablutions. Ils ont rassemblé entre toutes les preuves et ils ont dit, lorsque la personne a un sommeil profond, c'est quoi un sommeil profond ? C'est quand tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu dors, mais s'il y a quelqu'un qui passe là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui passe, tu as senti. Tu es là. Tu as les yeux fermés, mais le moindre bruit, tu ouvres les yeux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'es pas en train de dormir. Tu commences à somnoler, tu commences à partir, mais tu es encore là. Tu es encore là. Et ils disent, cette étape-là, celui qui est dans cette étape-là, il n'a pas à refaire ses ablutions. Par contre, tu as perdu le contrôle, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, tu refais tes ablutions. Tu refais tes ablutions. Et cet avis, c'est l'avis le plus juste. Incha'Allahu ta'ala. Et donc, à partir de là, barakallahu fikoum, l'avis le plus juste, c'est que lorsque tu as un sommeil profond, tu dois refaire tes ablutions. L'auteur qui continue et qui nous dit, rahimahullah, il est aussi obligatoire de faire les ablutions après des caresses ou un contact corporel direct ou encore après un baiser, tout cela accompagné d'une jouissance. C'est-à-dire que celui qui va caresser son épouse, qui va embrasser son épouse, etc., il va devoir refaire ses ablutions. Il va devoir refaire ses ablutions. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il nous dit que le fait d'avoir un contact avec la femme, de toucher la femme, cela rompt les ablutions. Pourquoi ? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a cité les ablutions, il dit أو كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. Et donc il dit Allah tabaraka wa ta'ala, et donc si vous êtes malade, donc vous ne pouvez pas faire vos ablutions avec de l'eau, ou alors que donc vous êtes en voyage, donc vous n'avez pas d'eau avec vous, ou l'un d'entre vous il vient, il sort des toilettes, il a fait ses besoins, ou alors il a touché les femmes, awla mastum an-nisa, ou que vous ayez donc touché les femmes. Al-Shafi'i, il s'appuie sur ce verset, donc toujours dans Surat Al-Ma'ida, Surat 5, verset 6, pour dire que le fait de toucher la femme fait rompre les ablutions. Ahmed et Malik, eux, ils voient que le fait de toucher la femme rompt les ablutions si cela est fait avec plaisir. Ça veut dire que celui qui va toucher une femme sans faire exprès, il est à la caisse, il veut donner la monnaie à la dame pour payer, il veut donc lâcher les pièces d'argent dans la main de la femme, Et la femme, elle vient, elle fait monter sa main, elle prend directement l'argent et elle touche sa main en même temps. D'accord? Ici, il n'a pas fait exprès de toucher la main de cette femme. Il n'a pas à refaire ses ablutions selon l'avis donc de Malik et Ahmed. Pourquoi? Parce que cet homme, il n'avait pas de shahwa à ce moment-là. Il n'avait pas de désir, de plaisir lorsqu'il a touché cette femme. Troisième avis, l'avis de l'imam Abu Hanifa, et qui est le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est que le fait de toucher la femme ne fait pas rompre les ablutions. Parce que ce qui est voulu par le fait de toucher la femme, ici dans le verset, c'est le rapport. C'est le rapport. Parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous éduque. Il nous montre que lorsque nous parlons, nous devons faire attention à comment on parle. Tu ne parles pas n'importe comment. Tu fais attention aux mots que tu utilises. Allah, quand il parle du rapport dans le Coran, il utilise des mots précis. Le fait de toucher, le fait de vous rapprocher, etc., etc. Ne vous rapprochez pas des épouses pendant les menstrues. Qu'est-ce qui est voulu ici? Les rapports. Et donc, nous devons faire attention à comment nous parlons. Cela fait partie de la pudeur. Naam. Aïcha radhiyallahu anha, elle nous rapporte, comme dans Sahih Muslim, elle nous dit « Faqadtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laylatan min al-firashi faltamastuhu. » Durant une nuit, j'ai perdu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors je le cherchais. Une nuit, elle est dans son lit, le prophète n'est plus là, elle le cherche, elle commence à le chercher. فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. Elle dit donc ma main, elle est tombée sur ses pieds, alors que ses pieds, ils étaient donc mansoubatan. Ses deux pieds, ils étaient dans une position verticale. Lui, il était dans la mosquée, puisque la chambre de Aïcha était à côté de la mosquée. Lui, il était dans la mosquée et ses pieds, ils étaient là. Et donc il était prosterné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha l'a touché. Si le fait que la femme te touche, ou que tu touches la femme, fait rompre les ablutions, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait refait ses ablutions, aurait arrêté la prière. Et donc ça c'est une preuve que le fait que la femme touche l'homme, le fait que l'homme touche la femme, n'annule pas les ablutions. Et c'est là que certains vont nous dire, non mais là c'est Aïcha qui l'a touché, c'est pas lui qui a touché Aïcha. Dans un autre hadith, Jami' al-Tirmidhi, Aïcha radhiyallahu anha qui dit كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait certaines de ses épouses et ensuite il sortait pour la prière. Avant de sortir, il embrasse sa femme et il sort pour aller prier. Si le fait d'avoir embrassé sa femme annulait les ablutions, il aurait refait ses ablutions. Voyez, et donc le fait d'avoir un contact avec la femme n'annule pas les ablutions. La vie le plus juste, c'est la vie de l'école hanafite. Le dernier point qu'on voit avant la pause, Inch'Allah Ta'ala, l'auteur qui nous dit, et il est aussi obligatoire de faire les ablutions après avoir touché son pénis, il y a divergence concernant la femme qui touche son vagin, si cela rend obligatoire l'ablution ou pas. L'homme qui touche son pénis, est-ce que cela annule l'ablution ou pas? Il y a unanimité que celui qui touche son pénis avec autre que sa main, cela n'annule pas les ablutions. Il touche son pénis avec autre membre que sa main, cela n'annule pas les ablutions. Alors ils ont divergé s'il touche son pénis avec sa main. Malik, Shafi'i et Ahmed, il voit que le fait de toucher le pénis avec la main annule l'ablution. Il annule l'ablution. Exprès ou pas fait exprès? Exprès ou pas fait exprès? Il annule l'ablution. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man massa dhakarahu falyatawadda ». Celui qui touche son pénis, alors qu'il fasse ses ablutions. Celui qui touche son pénis, qu'il fasse ses ablutions. Ça, c'est l'avis del Jumhur, la majorité. Abu Hanifa, il voit que le fait de toucher son pénis n'annule pas l'ablution. Pourquoi? Ça, c'est le hadith de Talq ibn Ali, qui est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dit qu'un homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a interrogé. Ya Nabi Allah, metara fi messir rajuli dhakarahu, ba'dama yatawadda. Ô messager d'Allah, que penses-tu de l'homme qui touche son pénis après avoir fait ses ablutions? Après avoir fait ses ablutions. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ma hiya illa bid'atun mink. Ce n'est qu'un membre de ton corps. Le pénis, c'est un membre de ton corps. Et donc, tu n'as pas besoin de faire tes ablutions lorsque tu as touché ton pénis. Et donc, on a deux hadiths. Un hadith qui nous montre qu'on doit faire l'ablution et un hadith qui nous montre qu'on ne doit pas faire les ablutions. Il y a un grand débat des ulama sur ce sujet. Un grand débat des ulama sur ce sujet. L'avis, donc, on a un autre avis de l'imam Malik, ainsi qu'un deuxième avis toujours de l'imam Ahmed, c'est le choix d'Ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit donc qu'on rassemble ces deux preuves pour dire qu'il est recommandé. Il est recommandé de faire les ablutions après avoir touché ses parties, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Tayyib, et donc là, ce sujet, barakallahu fikoum, donc le mieux est que tu sortes de la divergence. Tu fais tes ablutions après avoir touché tes parties. Taïb, maintenant tu as touché tes parties, tu as oublié, tu as fait ta prière. Est-ce que tu dois refaire ta prière? L'avis le plus juste, barakallahu fikoum, c'est qu'il est recommandé de refaire ses ablutions et donc tu n'as pas perdu tes ablutions. Tu n'as pas perdu tes ablutions parce que la parole du prophète, elle est claire. Ce n'est qu'un membre de ton corps. Mais il y a illa bid'atul mink. On ne peut pas rejeter ce hadith qui est authentique. On va arrêter là et on reprend dans quelques instants, inshallah ta'ala. On va faire la prière. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.